Chapitre 113. Le petit souper du roi Louis XV. Le maréchal trouva Sa Majesté dans le petit salon où quelques courtisans l'avaient suivi, aimant mieux se passer de souper que de laisser tomber sur d'autres que sur eux le regard distrait de leur souverain. Mais Louis XV paraissait avoir autre chose à faire ce soir-là que de regarder ces messieurs. Il congédia tout le monde en annonçant qu'il ne souperait pas, ou que s'il soupait, ce serait seul. Alors, tous ses hôtes ayant reçu congé de lui et craignant de déplaire à Monseigneur le Dauphin s'il n'assistait pas à la fête qu'il donnait à la suite de la répétition, s'envolèrent aussitôt comme une nuée de pigeons parasites et prirent leur course vers celui qu'on leur permettait de voir, prêts à affirmer qu'il désertait pour lui le salon de Sa Majesté. Louis XV, qu'il quittait avec tant de rapidité, était loin de songer à eux. La petitesse de toute cette tourbe de courtisans lui fait sourire dans une autre circonstance, mais cette fois, elle n'éveilla aucun sentiment chez le monarque, si railleur, qui n'épargnait aucune infirmité, ni dans l'esprit ni dans le corps de son meilleur ami, en supposant que Louis XV eût jamais eu un ami. Non, en ce moment, Louis XV donnait toute son attention à un carrosse qui stationnait devant la porte des communs de Trianon, et dont le cocher semblait attendre, pour fouetter ses chevaux, que le poids du maître se fit sentir dans la caisse dorée. Ce carrosse était celui de Madame du Barry, éclairé par des flambeaux. Zamor, assis près du cocher, faisait aller en avant et en arrière ses jambes comme fait le siège d'une escarpolette. Enfin, Madame du Barry, qui sans doute s'était attardée dans les corridors, dans l'espérance d'y recevoir quelques messages du roi, alors Madame du Barry parut au bras de Monsieur d'Aiguillon. On sentait sa colère, ou du moins son désappointement à la rapidité de sa démarche. Elle affectait trop de résolution pour n'avoir pas la tête perdue. Jean, fort lugubre, et le chapeau tout aplati sous la pression distraite de son bras, venait après sa sœur. Il n'avait point assisté à ce spectacle, Monseigneur le Dauphin ayant oublié de l'inviter. Mais il était entré un peu comme un laquais dans l'antichambre, pensif pour le moins autant qu'Hippolyte, laissant flotter son jabot sur une veste d'argent à fleurs roses, et ne regardant même pas ses manchettes en lambeaux, qui semblait se conformer à sa triste pensée. Jean avait vu sa sœur pâlie et effarée, et il en avait conclu que le péril était grand. Jean n'était brave en diplomatie que contre les corps, jamais contre les fantômes. Le roi vit de sa fenêtre et, caché derrière son rideau, défiler cette procession lugubre qui s'engloutit comme des capucins de cartes dans la voiture de la comtesse. Puis, la portière fermée, le lapet remonté derrière la voiture, le cocher secoua ses rênes et les chevaux partirent au grand galop. Oh, dit le roi, sans chercher à me voir, sans chercher à me parler. La comtesse est furieuse. Il répéta tout haut. Oui, la comtesse est furieuse. Richelieu, qui venait de se glisser dans la chambre comme un homme attendu, saisit ses dernières paroles. Furieuse, sire, dit-il, et de quoi? De ce que votre majesté se divertit un instant. Oh, c'est mal de la part de la comtesse, cela. « Duc, répondit Louis XV, je ne me divertis pas, au contraire, je suis là et cherche à me reposer. La musique m'énerve. Il eût fallu, si j'eusse écouté la comtesse, aller souper à Lucienne, manger, boire surtout. Les vins de la comtesse sont méchants. Je ne sais pas avec quel raisin ils sont fabriqués, mais ils brisent. Ma foi, j'aime mieux me dorloter ici. » « Et votre majesté a 100 fois raison, dit le duc. La comtesse se distraira ailleurs. Suis-je un si aimable compagnon? Elle a beau le dire, je n'en crois rien. Ah, cette fois, votre majesté a tort, fit le maréchal. Non, duc, non, en vérité, je compte mes jours et je réfléchis. Sire, madame la comtesse comprend qu'elle ne saurait, de toute façon, avoir meilleure société, et c'est ce qui la rend furieuse. En vérité, duc, je ne sais comment vous faites. Vous menez toujours les femmes, vous, comme si vous aviez 20 ans. À cet âge, c'est l'homme qui choisit, mais à l'époque où j'en suis, duc. Eh bien, sire, eh bien, c'est la femme qui fait son calcul. Le maréchal se mit à rire. Allons, sire, dit-il, raison de plus, et si votre majesté croit que la comtesse se distrait, consolons-nous. Je ne dis pas qu'elle se distrait, duc, je dis qu'elle finira par chercher des distractions. Ah, je n'oserais pas dire à votre majesté que cela ne se soit jamais vu. Le roi, fort agité, se leva. Qu'ai-je encore là? Demanda-t-il. « Mais tout votre service, sire. » Le roi réfléchit un instant. « Mais vous, dit-il, avez-vous quelqu'un ? J'ai rafté. »« Bon. » Que doit-il faire, sire ? Eh bien, duc, il faudrait qu'il s'informât si Madame du Barry retourne réellement à Lucienne. La comtesse est partie, ce me semble. Ostensiblement, oui. Mais où votre majesté veut-elle qu'elle aille ? Qui sait ? La jalousie la rend folle, duc. Sire, ne serait-ce pas plutôt votre majesté ? Comment ? Quoi ? Que la jalousie... Duc ! En vérité, ce serait humiliant pour nous tous, sire. Moi, jaloux ? S'écria Louis XV avec un rire forcé. En vérité, duc, parlez-vous sérieusement ? En effet, Richelieu ne le croyait pas. Il faut même avouer qu'il était très près de la vérité en pensant, au contraire, que le roi ne désirait savoir si Madame du Barry était bien réellement à Lucienne que pour être sûr qu'elle ne reviendrait pas à Trianon. Ainsi, dit-il tout haut, c'est convenu, sire, j'envoie Rafter à la découverte. Envoyez, duc. Maintenant, que fait votre majesté avant de souper ? Rien, nous soupons tout de suite. Avez-vous prévenu la personne en question ? Oui, elle est dans l'antichambre de votre majesté. Qu'a-t-elle dit ? Elle a fait de grands remerciements. Et la fille ? On ne lui a pas encore parlé. Duc, Madame du Barry est jalouse et elle pourrait bien revenir. Ah, sire, ce serait de trop mauvais goût. Et je crois la comtesse incapable d'une pareille énormité. Duc, elle est capable de tout dans ces moments-là, et surtout quand la haine se joint à la jalousie. Elle vous exècre. Je ne sais pas si vous êtes prévenu de cela. Richelieu s'inclina. Je sais qu'elle me fait cet honneur, sire. Elle exècre aussi monsieur de Tavernet. Si votre majesté voulait bien compter, je suis sûr qu'il est une troisième personne qu'elle exècre encore plus que moi, encore plus que le baron. Qui donc ? Mademoiselle André. Ah ! Fit le roi. Je trouve cela assez naturel. Alors ? Oui, mais cela n'empêche point, duc, qu'il faut veiller à ce que Madame du Barry ne fasse point quelque esclandre cette nuit. Tout au contraire, et cela prouve la nécessité de cette mesure. Voici le maître d'hôtel. Chut. Donnez vos ordres à Rafter et venez me rejoindre dans la salle à manger avec qui vous savez. Louis XV se leva et passa dans la salle à manger, tandis que Richelieu sortait par la porte opposée. 5 minutes après, il rejoignait le roi, accompagné du baron. Le roi donna gracieusement le bonsoir à Tavernet. Le baron était homme d'esprit. Il répondit de cette façon particulière à certaines gens, et qui fait que les rois et les princes, vous reconnaissant pour être de leur monde, sont à l'instant même à l'aise avec vous. On se mit à table et l'on soupa. Louis XV était un mauvais roi, mais un homme charmant. Sa compagnie, lorsqu'il le voulait bien, était pleine d'attrait, pour les buveurs, les causeurs et les voluptueux. Le roi, enfin, avait beaucoup étudié la vie sous ses côtés agréables. Il mangea de bon appétit, commanda qu'on fît boire ses convives et mit la conversation sur la musique. Richelieu prit la balle au bon. « Sire, dit Richelieu, si la musique met les hommes d'accord, comme dit notre maître de ballet, et comme semble le penser votre majesté, en dira-t-elle autant des femmes ?»« Oh, duc, dit le roi, ne parlons pas des femmes. » Depuis la guerre de Troie jusqu'à nos jours, les femmes ont toujours opéré un effet contraire à la musique. Vous surtout, vous avez de trop grands comptes à régler avec elles pour aimer avoir mettre une pareille conversation sur le tapis. Il y en a une, entre autres, et ce n'est pas la moins dangereuse de toutes, avec laquelle vous êtes à couteau tiré. La comtesse, sire, y a-t-il de ma faute ? Sans doute. Par exemple, votre majesté m'expliquera, je l'espère. En deux mots et avec grand plaisir, dit le roi goguenardant. « J'écoute, sire. »« Comment ? Elle vous offre le portefeuille de je ne sais quel département, et vous refusez, parce que, dites-vous, elle n'est pas absolument populaire. »« Moi ?» dit Richelieu, assez embarrassé de la tournure que prenait la conversation. « Dame, c'est le bruit public. » dit le roi avec une fin de bonhomie qui lui était toute particulière. « Je ne sais plus qui m'a rapporté cela. La Gazette, sans doute. »« Eh bien, sire, dit Richelieu, profitant de la liberté que donnait à ses convives l'enjouement peu ordinaire de son hôte Auguste, j'avouerai que cette fois le bruit public et même les gazettes ont rapporté quelque chose de moins absurde qu'à l'ordinaire. « Quoi ? » s'écria Louis XV. « Vous avez réellement refusé un ministère, mon cher duc ?» Richelieu était, comme on le comprendra facilement, placé dans une position délicate. Le roi savait mieux que personne qu'il n'avait rien refusé du tout. Mais Tavernet devait continuer de croire ce que Richelieu lui avait dit. Il s'agissait donc, de la part du duc, de répondre assez habilement pour échapper à la mystification du roi, sans s'encourir le reproche de mensonge que le baron avait déjà sur ses lèvres et dans son sourire. « Sire, dit Richelieu, ne nous attachons pas aux effets, je vous prie, mais à la cause. que j'ai ou n'ai pas refusé le portefeuille, c'est un secret d'État que Votre Majesté n'est pas tenue de divulguer au milieu des vers. Mais la cause pour laquelle j'eusse refusé le portefeuille, si le portefeuille m'eût été offert, voilà l'essentiel. Oh, duc, et cette cause n'est pas un secret d'État, à ce qu'il paraît ? Dit le roi en riant. Non, sire, et surtout pour Votre Majesté qui, pour moi et pour mon ami le baron de Tavernet, est en ce moment, j'en demande pardon à la divinité, le plus aimable amphitryon mortel qui se puisse voir. Je n'ai donc pas de secret pour mon roi. Je le livre donc mon âme tout entière, car je ne voudrais pas qu'il fût dit que le roi de France n'est pas un serviteur qui lui dit toute la vérité. Voyons, fit le roi, tandis que Tavernet, assez inquiet, parce qu'il avait peur que Richelieu n'en dît trop, se pinçait les lèvres et composait scrupuleusement son visage sur celui du roi. La vérité, duc. Sire, il y a dans votre état deux puissances auxquelles un ministre devrait obéir. La première, c'est votre volonté. La seconde, c'est celle des amis les plus intimes que Votre Majesté daigne choisir. La première puissance est irrésistible. Nul ne doit songer à s'y soustraire. La seconde est plus sacrée encore, car elle impose des devoirs de cœur à quiconque vous sert. Elle s'appelle votre confiance. Un ministre doit aimer, pour lui obéir, le favori ou la favorite de son roi. Louis XV se mit à rire. « Duc, dit-il, voilà une fort belle maxime, et que j'aime avoir sortir de votre bouche, mais je vous défie de l'aller crier sur le pont neuf avec deux trompettes. « Oh, je sais bien, sire, dit Richelieu, que les philosophes en prendraient les armes, mais je ne crois pas que leur cri soit de quelque chose à Votre Majesté et à moi. Le principal est que les deux volontés prépondérantes du royaume soient satisfaites. Eh bien, la volonté de certaines personnes, sire, je le dirai courageusement à Votre Majesté, d'humanise grâce, c'est-à-dire ma mort, en dépendre. La volonté de Madame du Barry, enfin, je ne saurais y souscrire. » Louis XV se tut. Une idée m'était venue, poursuivit Richelieu. Je regardais autour de moi l'autre jour à la cour de Votre Majesté, et en vérité, je voyais tant de belles filles nobles, tant de femmes de qualité radieuse, que si j'eusse été roi de France, le choix m'eût paru presque impossible à faire. Louis XV se tourna vers Tavernet, qui, se sentant mettre tout doucement en cause, palpitait de crainte et d'espoir, tout en aidant de ses yeux et de son souffle l'éloquence du maréchal, comme s'il eût poussé vers le port le navire chargé de sa fortune. « Voyons, est-ce que c'est votre avis, baron ? » demanda le roi. « Sire, répondit Tavernet, le cœur tout gonflé, le duc me semble dire depuis quelques instants d'excellentes choses à Votre Majesté. Vous êtes donc de son avis en ce qu'il dit des belles filles ? « Mais, sire, il me semble qu'il y en a effectivement de fort belles à la cour de France. « Enfin, vous êtes de son avis, baron ?»« Oui, sire. « Et vous m'exhorteriez, comme lui, à faire un choix parmi les beautés de la cour ?»« J'oserais avouer que je suis de l'avis du maréchal, sire, si j'osais croire que c'est aussi l'avis de Votre Majesté. » Il y eut un moment de silence pendant lequel le roi regarda complaisamment Tavernet. « Messieurs, dit-il, nul doute que je suivisse vos avis si j'avais 30 ans. » J'y aurais un penchant facile à comprendre, mais je me trouve un peu vieux à présent pour être crédule. Crédule, expliquez-moi le mot, je vous prie, sire. Être crédule, mon cher duc, signifie croire. Oh, rien ne me fera croire certaines choses. Lesquelles ? C'est que l'on puisse inspirer de l'amour à mon âge. Ah, sire, s'écria Richelieu. J'avais pensé jusqu'à cette heure que Votre Majesté était le gentilhomme le plus poli de son royaume, mais je vois avec une profonde douleur que je m'étais trompé. « En quoi donc ? En ce que je suis vieux comme Mathusalem, moi qui suis né en 94. Songez-y bien, sire, j'ai 16 ans de plus que Votre Majesté. » C'était une adroite flatterie de la part du duc. Louis XV admirait toujours la vieillesse de cet homme qui avait tué tant de jeunesse à son service. Car, ayant cet exemple sous les yeux, il pouvait espérer d'arriver au même âge que lui. « Soit, dit Louis XV, mais j'espère que vous n'avez plus cette prétention d'être aimé pour vous, duc. Si je croyais cela, sire, je me brouillerais à l'instant même avec deux femmes qui m'ont dit le contraire encore ce matin. « Eh bien, duc, dit Louis XV, nous verrons. Nous verrons, monsieur de Tavernet. La jeunesse rajeunit, c'est vrai. Oui, sire, et le sang noble est une salutaire infusion, sans compter qu'au changement, un esprit riche comme celui de Votre Majesté gagne toujours et ne perd jamais. Cependant, fit observer Louis XV, je me rappelle que mon aïeul, lorsqu'il devint vieux, ne courtisa plus les femmes avec la même hardiesse. Allons, allons, sire, dit Richelieu. Votre majesté sait tout mon respect pour le feu roi, qui m'a mis deux fois la Bastille. Mais cela ne doit pas m'empêcher de dire qu'entre l'âge mûr de Louis XIV et l'âge mûr de Louis XV, il n'y a aucune comparaison à faire. Que diable ! Votre majesté, très chrétienne, tout en honorant son titre de fils aîné de l'Église, ne pousse pas l'ascétisme jusqu'à oublier son humanité. Ma foi, non, dit Louis XV, j'avoue cela, puisque je n'ai ici ni mon médecin ni mon confesseur. Eh bien, sire, le roi votre aïeul étonnait souvent, par ses excès de zèle religieux et par ses mortifications sans nombre, Madame de Maintenon plus âgée cependant que lui. Je le répète, voyons, sire, peut-on comparer l'homme à l'homme quand on parle de vos deux majestés ? Le roi, ce soir-là, était en bonne veine. Les paroles de Richelieu étaient autant de gouttes d'eau tombées de la fontaine de Jouvence. Richelieu pensa que le moment était venu. Il poussa du genou le genou de Tavernet. « Sire, dit celui-ci, votre majesté veut-elle accepter mes remerciements pour le magnifique cadeau qu'elle a fait à ma fille ?»« Il n'y a pas à me remercier pour cela, baron, dit le roi. Mademoiselle de Tavernet me plaît pour sa grâce honnête et décente. Je voudrais que mes filles eussent encore à faire leur maison. Certes, mademoiselle Andrée, c'est ainsi qu'elle s'appelle, n'est-ce pas ? Oui, sire, dit Tavernet ravi que le roi a su le nom de baptême de sa fille. Joli nom. Certes, mademoiselle Andrée eût été la première sur la liste. Mais tout est envahi chez moi. En attendant, baron, tenez-vous-le pour dit, cette jeune fille aura toute ma protection. Elle n'est pas richement dotée, je crois. Hélas non, sire. Eh bien, je m'occuperai de son mariage. Tavernet salua bien bas. Alors, votre majesté sera donc assez bonne pour chercher le mari, car j'avoue que dans notre pauvreté, qui est presque de la misère... Oui, oui, tenez-vous en repos là-dessus, dit Louis XV. Mais elle est fort jeune, ce me semble, et cela ne presse point. Cela presse d'autant moins, sire, que ma fille a horreur du mariage. Voyez-vous cela ? Dit Louis XV, en se frottant les mains et en regardant Richelieu. Eh bien, en tout cas, faites état de moi, monsieur de Tavernet, si vous êtes embarrassé. Cela dit, Louis XV se leva, puis s'adressant au duc, « Maréchal, dit-il, le duc s'approcha du roi. La petite a-t-elle été contente ? De quoi, sire ? De l'écrin. Que votre majesté me pardonne de lui parler bas, mais le père écoute. Et il ne faut pas qu'il entende ce que je vais vous dire. Bon, non. Dites alors. Sire, la petite a horreur du mariage, c'est vrai. Mais une chose dont je suis certain, c'est qu'elle n'a pas horreur de votre majesté. Cela dit, avec une familiarité qui plut au roi par l'excès même de la franchise, le maréchal courut avec ses petits piétinements rejoindre Tavernet qui, par respect, s'était retiré sur le seuil de la galerie. Tous deux partirent par les jardins. La soirée était magnifique. Deux laquais marchaient devant eux, tenant des torches d'une main et tirant de l'autre le bout des branches fleuries. On voyait encore les fenêtres de Trianon en feu à travers la sueur des vitres enflammées par l'ivresse des 50 convives de Madame la Dauphine. La musique de Sa Majesté animait le menuet, car après souper on avait dansé et l'on dansait encore. Dans un massif épais de lilas et de boules de neige, Gilbert, à genoux sur la terre, regardait le jeu des ombres derrière les tapisseries diaphanes. Le ciel tombant sur la terre n'eût pas distrait ce contemplateur, enivré de la beauté qu'il suivait dans tous les méandres de la danse. Cependant, lorsque Richelieu et Tavernet passèrent en frôlant le buisson dans lequel était caché cet oiseau nocturne, le son de leur voix et une certaine parole surtout firent lever la tête à Gilbert. C'est que cette parole était pour lui surtout importante et bien significative. Le maréchal, appuyé au bras de son ami et penché à son oreille, lui disait « Tout bien considéré, tout bien pesé, baron, c'est dur à t'avouer, mais il faut vite faire partir ta fille pour un couvent. » « Et pourquoi cela ? » demanda le baron. « Parce que le roi, j'en gagerai, répondit le maréchal, est amoureux de mademoiselle de Tavernet. » Gilbert, à ces paroles, devint plus pâle que les boules de neige floconneuses qui retombaient sur son épaule et sur son front.